Depuis deux ou trois jours, je me suis mis à penser qu'il faudrait peut-être arrêter de s'entretuer pour le bien de l'humanité. Dans la décadence des pouvoirs futiles, au prix des vies humaines, les batailles sanglantes ne sont pas de l'or pour l'humanité. Les batailles sanglantes ne sont pas de l'or pour l'humanité. Humanité, humanité. Si nos grands dirigeants qui dirigent le monde pensaient aux enfants, à tous ces pauvres gens qui n'ont pas d'argent ni de liberté. Si nos grands dirigeants qui dirigent le monde pensaient aux enfants et à tous ces pauvres gens qui n'ont pas d'argent ni de liberté. Pas de tort à l'humanité.